بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Mes très chers frères, c'est notre dernier cours concernant le divorce pour ce séminaire pour lequel on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-ikhlas wa al-tawfiq. Et je vous demande de m'excuser, subhanallah. Hein, depuis 5 minutes, j'avais commencé le cours et je n'ai pas fait attention que le micro ne fonctionnait pas. Enfin, j'ai vu qu'un de nos frères mentionnait qu'il n'entendait pas. Jazahullahu khayran. Ceci a attiré mon attention que je parlais et personne ne m'entendait. Wallahu al-musta'an. Donc ceci, mes frères, c'est notre dernier cours concernant le divorce. Et nous avons étudié depuis le début de ce séminaire concernant le divorce, premièrement, al-khul'a. Ensuite, nous avons vu les différents jugements relatifs au divorce en islam. Nous avons également expliqué les deux grandes catégories du divorce, al-talaq sunni wa al-talaq bid'i, et nous avons détaillé chacune de ces catégories. Et hier, nous avons commencé à mentionner les paroles relatives au divorce et qu'elles étaient de deux catégories. Il y avait les paroles catégoriques. Ce sont des paroles qui sont directement liées au divorce et qui ne peuvent sous-entendre autre chose. Comme « je t'ai divorcé », « tu es divorcé », etc. Et deuxièmement, les paroles ambiguës. C'est-à-dire des paroles qui peuvent désigner le divorce, mais qui peuvent désigner autre chose aussi. Comme si tu disais « tu es libre, sors, pars, retourne chez ta famille ». Donc on avait dit concernant la première catégorie, hein, les paroles catégoriques, si elles sont prononcées, le divorce est effectif. Qu'il soit sérieux, qu'il soit plaisantin, qu'il le dit pour rigoler, qu'il n'ait pas l'intention, le divorce est effectif. Selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux paroles ambiguës, le divorce n'est pas effectif excepté si l'intention du divorce est présente. Mais on avait cité que Shir al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, mentionne qu'il est possible que le divorce prononcé avec des paroles ambiguës, même si l'intention est absente, dans 3 situations, le divorce est effectif. Et ça, c'est quelque chose de très important. S'il prononce une parole ambiguë durant une dispute entre l'époux, durant une dispute entre lui et son épouse. Deuxième situation, s'il prononce une de ces paroles ambiguës alors qu'il est dans une situation de colère. Et nous avons mentionné lors des cours précédents que la colère, hein, peut être soit une colère où la personne a conscience de ce qu'elle dit, et en l'occurrence le divorce est effectif, ou alors une colère qui prend le dessus sur la personne à tel point qu'il ne sait même pas ce qu'il dit. Et ça, faites attention mes frères. Combien de frères viennent se cacher derrière cela? Oui, j'étais en colère, Yachir, j'étais en colère, je ne savais plus ce que je disais. Hein, mais il veut essayer de trouver une issue de secours pour que le divorce ne soit pas effectif. Chacun doit être sincère avec lui-même. Chacun doit savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît le contenu des poitrines. Donc tu peux mentir aux créatures, mais tu ne peux mentir au créateur subhanahu wa ta'ala. Et la troisième situation dans laquelle le divorce prononcé avec des paroles ambiguës est effectif même s'il prétend ne pas avoir l'intention lorsqu'il répond à une demande de divorce de la part de son épouse. Donc le Shir nous dit ici, le divorce est effectif dans ces trois situations. Même s'il dit je n'avais pas l'intention. Car il y a des indications claires qui prouvent que son intention était réellement présente. Wallahu a'lam. Et on continue, inshallah ta'ala, mes bien-aimés frères. Et on va essayer d'expliquer le maximum aujourd'hui. Inshallah ta'ala. Qala Sheikh Salih al-Fawzan fil mulakhas al-fiqhi hafidhahu Allah ta'ala. ولا يقع الطلاق منه ولا من وكيله إلا بتلفظ به فلو نواه بقلبه لم يقع حتى يتلفظ ويحرك لسانه به لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهم ما لم تعمل أو تكلم به فلا يقع الطلاق إلا بتلفظ به إلا في حالتين. Il nous dit, Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, le divorce n'est pas effectif de la part de l'époux ou de celui qui l'a délégué, un wakil, excepté s'il le prononce, s'il met seulement l'intention dans son cœur, sans le prononcer, alors le divorce n'est pas effectif. Il doit le prononcer en bougeant sa langue. Selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah azza wa jal ne prend pas en considération pour ma communauté ce qu'elle pense en elle-même, tant qu'elle ne le met pas en application ou qu'elle le prononce, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Donc le divorce n'est pas effectif, excepté s'il le prononce. Ou alors dans deux autres situations, écoutez bien mes frères. Al-halatu al-oula, idha kataba sariha al-talaq kitabatan tuqra. Wa nawahu waqa'a, wa in lam yanwih, fa'ala qawlayn, walladhi alayhi al-akthar, annahu yaqa'. La première situation, dans laquelle le divorce est effectif, même s'il ne l'a pas prononcé avec sa langue, c'est s'il écrit un écrit qu'on puisse lire, une formule catégorique de divorce, et qu'il en ait l'intention. Il l'écrit sur un papier, il écrit un message, un message sur le téléphone, etc. Avec une formule claire, qui annonce ou qui prononce le divorce. Alors, dans ce cas-là, le divorce est effectif. Et s'il n'en a pas l'intention, yani s'il l'écrit, mais qu'il n'a pas l'intention, alors il y a deux avis chez les savants. Et la majorité des savants disent qu'il est effectif. Attention, mes frères. Attention de jouer. Hein? Certains frères prennent leur téléphone, ils envoient un message à leur femme, « Tu es divorcé. » Je rigole. Sache, mon frère, que même si tu n'avais pas l'attention, la majorité des savants disent que ton divorce est effectif. Ne jouez pas. Hein, ne jouez pas avec ces choses, mes frères. Craignez Allah Azza wa Jal. Hein? Ensuite, al-halatu thaniya, allati yaqa'u fiha at-talaq biduni talaffuz isharat al-akhras bit-talaq idha kanat mafhuma. La deuxième situation, lorsque le divorce est effectif sans prononcer, c'est pour la personne qui est muette. Hein, et qui indique le divorce avec des signes, hein, d'une manière qui est comprise. Donc effectivement ici, hein, le divorce est effectif également. وَيَجُوزُ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوتِ وَمَعْنَاهُ تَرْتِيبُهُ عَلَى شَيْءٍ حاصل أو غير حاصل بإن أو بإن وإحدى أخواتها كأن يقول إن دخلت الدار فأنت طالق فقد رتب وقوع الطلاق على حصوله الشرط وهو دخول الدار وهذا هو التعليق. Ici, le Shir passe à un deuxième ou à un autre sujet plutôt. Et il nous dit, il est permis d'associer le divorce à une condition. Avec des conditions. Le divorce est conditionné par l'existence d'une chose ou par l'absence d'une chose. Comme s'il disait par exemple, si tu rentres dans la maison, tu es divorcé. Si tu sors de la maison, tu es divorcé. Si tu visites une telle, tu es divorcé. Si tu fais ça, tu es divorcé. Si tu fais pas ça, tu es divorcé. Etc. Il a donc conditionné le divorce à l'avènement de la condition, qui est le fait ici d'entrer dans la maison. ولا يصح التعليق إلا من زوج. فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها لم يقع لأنه حين التعليق ليس زوجا لها لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا نظر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك رواه أحمد وابو داود والترمذي وحسنه والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فدلت الآية والحديث على أنه لا يقع الطلاق على الأجنبية وهذا بالإجماع إذا كان منجزا وعلى قول الجمهور إذا كان معلقا على تزوجها ونحوه. Il nous dit le Shir, ce conditionnement, hein, le fait de mettre une condition au divorce, ne peut venir que de la part de l'époux. Donc s'il dit par exemple, si je marie une telle, alors elle sera divorcée. Puis il la marie. Alors ici, le divorce n'est pas effectif. Pourquoi ? Car lorsqu'il a mis la condition, lorsqu'il a dit « si je marie une telle », il n'était pas encore son époux. Il n'était pas son époux, donc sa condition n'est pas valide. Donc s'il la marie, elle n'est pas divorcée. Et ceci est basé sur le hadith rapporté par Amr ibn Shu'aib, selon son père, et son père c'est qui ? Shu'aib ibn Muhammad, qui rapporte de son grand-père. Et c'est qui son grand-père ? Abdullah ibn Amr. Radiallahu anhu, anhuma. Selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Pas de vœux pour le fils de Adam, yani pour l'être humain, dans ce qu'il ne possède pas. Hein, » Tu ne peux pas faire un vœu sur une chose que tu ne possèdes pas. « Pas d'affranchissement, yani le fait d'affranchir les esclaves, dans ce qu'il ne possède pas. Yani » Tu ne peux pas affranchir un esclave que tu ne possèdes pas. « Et pas de divorce dans ce qu'il ne possède pas. » Tu ne peux pas divorcer une femme que tu ne possèdes pas. Comme l'a rapporté Ahmed, Abu Daoud et At-Tirmidhi, hein, qui l'a jugé bon, et également jugé bon par Sheikh Al-Albani. Rahimahumullahu ajma'in. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans son livre au sens approché, « Ô vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles, comme dans Surat Al-Ahzab, surat, verset 49. » Le verset et le hadith indique que le divorce n'est pas effectif avec une femme étrangère, une femme qui n'est pas ton épouse. Et ceci selon le consensus des savants. Ijma' des savants. Ensuite, hein, on a terminé avec le sous-chapitre concernant les paroles prononcées du divorce. Et on va passer à un autre sous-chapitre très important. Babun fir raj'a. Yani le chapitre concernant al-raj'a, yani le retour, entre guillemets. Al-raj'a, hiya, i'adatu mutalliqa ghayli ba'in ila ma kanat alayhi bi ghayli aqd. Al-raj'a, c'est le retour de la femme divorcée qui n'est pas ba'in. Ba'in, la femme qui est ba'in, c'est la femme hein, qui a subi trois divorces par le même homme. Elle ne peut pas revenir vers cet homme, excepté hein, sous condition comme on va la voir, comme on va le voir à la fin du cours. Donc le retour de la femme divorcée auprès de son époux sans refaire d'acte de mariage. C'est ce qu'on appelle raja'a. وَالدَّلِيلُهَا الْكِتَابُ وَالسُنَّةُ وَإِجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ. Et la preuve de ceci, de ce sujet, c'est le Coran, la Sunna et le consensus des savants. أما الكتاب ففي قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقال تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. Et donc la preuve dans le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sens approché, et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période, s'ils veulent la réconciliation, c'est-à-dire la période de viduité. Ainsi que la parole, et ça c'est dans Surat al-Baqarah, verset 228. Ainsi que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sens approché, le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors soit on garde son épouse conformément à la bienfaisance, à bienséance, pardon, soit on la libère avec bienfaisance. Hein? Comme dans Sourate al-Baqarah, verset 229. Et aussi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sens approché, puis quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable ou séparez-vous d'elles de façon convenable. D'accord? Donc à la fin de la période de viduité, soit tu la récupères, soit tu la laisses, tu te sépares d'elle, comme dans Surat At-Talaq, dans Surat At-Talaq, verset 2. وأما السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم في قضية ابن عمر مرؤوا فليراجعها وكذلك طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها. Quant à la sunna, la preuve, c'est la parole du prophète صلى الله عليه وسلم dans le récit du divorce de Ibn Umar qu'on a cité hier, rappelez-vous, radiallahu anhuma, lorsque le prophète a dit à son père, à Omar, qu'il informe son fils, Abdallah, ordonne-lui de la récupérer. Donc ici, ça prouve qu'il est possible, de récupérer la femme, comme l'a rapporté Al-Bukhari et Muslim. Également, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a divorcé Hafsa, la fille de Omar, radiallahu anhum. Puis ensuite, il l'a récupérée. وأما الإجماع فقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد إن طلق دون اثنتين إن لهما الرجعة في العدة. Quant au consensus des savants, Ibn al-Munzir, qui est mort en 318 de l'Hégire, un grand savant de l'islam, a mentionné, les gens de science sont unanimes pour dire que l'homme libre, s'il divorce moins de trois fois, et l'esclave moins de deux fois, ce qui est une différence entre l'homme qui est libre et l'esclave, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails dans la mesure où, à notre époque, il n'y a plus l'esclavage, et ils ont la possibilité de la récupérer lors de sa période de viduité. Donc ici, il y a consensus des savants, et Ibn al-Munzir, il mentionne le consensus. « Wal-hikma » في ذلك إعطاه الزوج الفرصة ليتروى ويستدرك إذا ندم على الطلاق وأراد استئناف العشرة مع زوجته فيجد الباب مفتوحا أمامه وهذا من رحمة الله بعباده. Et la sagesse de cette chose, du retour, c'est le fait de donner l'opportunité à l'époux afin qu'il réfléchisse et qu'il se rétracte s'il regrette le divorce, et s'il veut continuer à vivre avec son épouse. Ainsi, il trouve la porte ouverte devant lui. Et cela, par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs. Regardez, mes frères, regardez cette religion de miséricorde. Regardez comment notre Seigneur est miséricordieux envers ses serviteurs. La parole du divorce peut sortir très vite, mais Allah azza wa jal t'a donné une porte de secours, et tu peux récupérer ton épouse sans refaire d'acte de mariage. Et on va voir maintenant justement quelles sont les conditions. Quelles sont les conditions pour que le retour soit possible ? وَأَمَّا شُرُوتُ سِحَّةِ الرَّجْعَ فَهِيَ أَوَّلًا أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ دُونَ مَا يَمْلِكُ مِنَ الْعَدَدِ بأن طلق حر دون الثلاث وعبد دون اثنتين فإن استوفى ما يملك من الطلاق لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. Quant aux conditions de la validité du retour, mes frères et mes sœurs, elles sont premièrement, écoutez bien, ça c'est très important. Hein, les conditions, c'est très important que vous les compreniez et que vous les mémorisiez. Afin que si vous tombez dans cette situation, vous savez que faire, comment faire. Premièrement, que le divorce n'ait pas atteint la limite en termes de nombre. On a dit 3 fois. Ça ne doit pas être le 3e divorce. S'il a utilisé le nombre à lequel il a le droit, c'est-à-dire 3 divorces, alors cette femme ne lui est plus permis. Jusqu'à qu'elle se remarie avec un autre époux. Regardez, mes frères. Regardez. Hein? Combien, je me répète, mais subhanallah, on a tellement entendu, on a tellement vu, on a tellement témoigné de cela. Combien parmi nos frères ont divorcé 3 fois, trop facilement. Et la 3e fois, ils sont anéantis. Ils sont anéantis. Ils ne peuvent plus récupérer leur femme, qu'ils aiment, la mère de leurs enfants. C'est quelque chose de très grave que chacun de nous doit prendre conscience. Donc ça, c'est la première condition, qu'il n'ait pas atteint la limite de 3 divorces. ثانياً أن يكون المطلقة مدخولاً بها فإن طلقها قبل الدخول فليس له رجعة لأنها لا عدة عليها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. Deuxième condition, que le mariage avec la femme qui a été divorcée a été consommé, qu'il y a eu un rapport intime entre la femme et l'époux. S'il divorce avant la consommation du mariage, il n'y a pas de retour, car il n'y a pas de période de viduité. En accord avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ô vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, c'est-à-dire avant d'avoir eu un rapport intime avec elles, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Pas de idda, pas de période de viduité. Donc celui qui veut la remarier, il doit, ou celui qui veut la récupérer, il doit refaire un mariage. Ça, c'est la 2e condition. ثالثاً أن يكون الطلاق بلا عوض فإن كان على عوض لم تحل له إلا بعقد جديد برضاها لأنها لم تبذل العوض إلا لتفتدي نفسها منه ولا يحصل مقصودها مع ثبوت الرجعة. Troisièmement, que le divorce soit fait sans compensation, sans contrepartie. Et s'il est fait avec une compensation ou une contrepartie, alors c'est le roule. Alors elle lui est plus permise, excepté avec un nouvel acte et avec son consentement à elle, car elle a donné la compensation pour se racheter de lui, et cela ne peut s'effectuer si le retour est possible. Hein, si le retour est possible, alors elle ne s'est pas rachetée de son mari. Donc c'est pour ça qu'on dit, hein, ou que le ulema explique, que lors du roule, hein, il n'est pas possible que le mari récupère son épouse, comme pour le divorce, excepté avec un nouveau acte de mariage, ou avec un nouvel acte de mariage. Naam. Rabi'an. An yakun al-nikah sahihan. أما إن طلق في نكاح فاسد فليس له رجعة. Quatrième condition. Ça fait déjà 4 conditions. J'espère que vous les avez écrites, mes frères et mes sœurs. Que le mariage soit un mariage valide. S'il a divorcé d'un mariage qui est invalide, alors il n'y a pas de retour possible. Parce que à cela, il n'y a pas de mariage. Le mariage n'est pas valide, comme on l'a vu lors du premier cours. خامسا أن تكون الرجعة في العدة لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي أولى برجعتهن في حالة العدة. Cinquième condition, que le retour soit fait pendant la période de viduité. Et on va étudier le chapitre de la viduité, de la période de viduité, pour voir les règles de ce sujet aussi très important. En accord avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au sens approché, et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période. Sadisan, an takoun al-raj'a munjaza, fala tasihu mu'allaqa, kama law qala idha hasala kaza faqad raja'tuk. Sixième condition, que ça soit un retour sans condition. Le retour n'est pas valide si l'époux met une condition, comme s'il disait, si telle chose arrive, alors je te reprends. Non, il ne faut pas qu'il y ait de condition. Donc ça fait, mes frères, six conditions pour que le retour, raj'a, soit valide. Mémorisez ces conditions. Et si vous tombez dans cette situation, soyez sûr que ces six conditions soient réunies. وَهَلْ يُشْتَرَتْ قَصْدُ زَوْجَيْنِ بِرَجْعَ الْإِصْلَاحِ. Ici, le shir pose une question. Est-ce qu'il est conditionné pour la validité du retour que les deux époux le désirent ? قَالَ بَعْدُ الْعُلَمَاءِ يُشْتَرَتْ ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. Certains savants ont mentionné que cela est conditionné. Il faut que les deux soient d'accord ou le désirent. Car Allah Azza wa Jal mentionne au sens approché s'ils veulent la réconciliation au pluriel. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وإمساكا بمعروف. شيخ الإسلام ابن تيمية, qui est mort en 728 de l'Hégire, a dit: le retour ne peut s'établir excepté de celui qui veut la réconciliation et veut rester ensemble conformément à la bienfaisance. وقال بعض الآخر لا يشترط ذلك لأن الآية إنما تدل على التحضير على الإصلاح والمنع من الإضرار ولا على اشتراط ذلك والقول الأول أظهر والله أعلم. Et d'autres savants ont dit cela n'est pas conditionné. C'est pas conditionné que les deux soient d'accord. Car le verset indique seulement une exhortation à la réconciliation et l'empêchement de causer du mal. Et elle n'indique pas une condition. Le verset n'indique pas une condition. Et le shir, et c'est shir Salih al-Fawzan, il dit, et le premier avis semble être le plus sûr, et Allah est le plus savant, c'est-à-dire l'avis qui dit que les deux doivent le désirer, le retour. Wa tahsulu raj'a billadh raja'tu imra'ati wa nahwi dhalik. مثل رددتها أمسكتها أعدتها وما أشبه ذلك. Et comment le retour s'effectue? Le retour s'effectue avec la parole. Il dit je récupère ma femme, ou je retourne vers elle, ou je la retiens, ou des paroles qui sont semblables, qui indiquent qu'il reprend son épouse. وتحصل الرجعة أيضا بوطئها إذا نوى الرجعة على الصحيح. Également, mes frères, et ça c'est très important, le retour également est effectif avec le rapport intime. S'il a l'intention de la récupérer avec ceci. Yani, s'il a un rapport intime avec sa femme, qui est dans la période de viduité, et il a l'intention de la récupérer sans parler, juste le rapport, alors l'avis le plus juste mentionne que le retour est effectif. وَإِذَا رَاجَعَهَا فَإِنَّهُ يُصَنُّ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى ذَلِكَ وَقِيلَ يَجِبُ الْإِشْهَادِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَوَا رِوَايَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدِ وَقَالَ الشِّيخ تَقِيُ الدِّينَ لَا تَصِيحُ الرَّجْعَ مَعَ الْكِتْمَانِ بِحَالٍ. Et s'il récupère son épouse, alors il est légiféré qu'on témoigne de cela. Il est même dit que cela est obligatoire, qu'il y a des témoins qui mentionne que le mari a récupéré a récupéré son épouse en accord avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sens approché, et prenez deux hommes intègres parmi vous comme témoins, dans sourate Talaq, verset numéro 2. Et c'est une version de l'avis de l'imam Ahmed. Et Cheikhoul Islam a mentionné également, le retour n'est pas valide s'il est fait en secret. Mais il doit être annoncé. Il doit être témoigné. وَالْمُطَلَّقَ رَجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ لَهَا مَا لِلزَّوْجَاتِ مِنْ نَفَقَ وَكِسْوَ وَمَسْكَنْ وَعَلَيْهَا مَا عَلَى الزَّوْجَةَ مِنْ لُزُومِ الْمَسْكَنْ وَتَتَزَيَّنْ لَهُ لَعَلَّهُ يُرَاجِعُهَا وَيَرِثُ كُلٌّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ إِذَا مَاتَ فِي الْعِدَّةِ وَلَهُ السَّفَرْ وَالْخَلْوَ بِهَا وَلَهُ وَطْعُهَا. Très très très important. Très important mes frères. Hein? Et j'aimerais que vous soyez très attentifs. Et ça c'est quelque chose qu'on doit enseigner à nos proches. Car beaucoup de nos proches qui font partie des awam, des musulmans qui ne connaissent pas leur religion, tombent dans l'erreur. À cause de quoi? À cause de leur vie au sein des kuffars. Et malheureusement, beaucoup de musulmans, dans ce sujet du divorce, copient involontairement, ou sans s'en rendre compte, les kuffars. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Et ils oublient ou ils sont ignorants des règles du divorce dans l'islam. Et ils prennent comme facteur le divorce des kuffars. A'oudhu billah. Ici, le shir nous dit, la femme divorcée qu'on peut reprendre est toujours l'épouse. Tant qu'elle est dans sa période de viduité, lorsque le mari dit « anti tariq », sa femme, c'est toujours son épouse. Un certain « anti tariq », allez, khalas, sors, retourne chez ton père, sors de la maison. Et la femme sort et il se voit plus, c'est fini. Il pense que y a plus, le divorce et il est terminé. La femme est dans son coin et l'homme est dans son coin. Non, la femme, même après la prononciation du divorce, est toujours la femme de l'homme. Elle a ses droits d'épouse, tels que les dépenses. Il doit dépenser pour elle, il doit l'habiller, il doit la loger. Elle doit rester dans le foyer. Si elle sort du foyer, elle doit lui demander la permission. Elle doit se faire belle pour son mari. Car avec cela, il peut la récupérer. Et les deux héritent de l'autre. Si l'un d'eux meurt pendant la période de viduité, na'am. Si la femme ou l'homme meurt pendant la période de viduité, ils héritent l'un de l'autre. Elle peut voyager avec lui. Elle se mélange avec lui. Et elle peut avoir un rapport avec lui. C'est sa femme. Tant qu'elle est dans la période d'ividuité. وَيَنْتَهِ وَقْتُ الرَّجْعَ بِانْتِهَاءِ الْعِدَّةِ فَإِذَا تَهُرَتْ الرَّجْعِيَّةِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ لِمَفْهُمْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي الْعِدَّةِ. Et le temps du retour se termine lorsque termine la période de viduité, si elle devient pure après la troisième période de menstrues. Alors elle ne lui est plus licite, excepté avec un nouvel acte, yani un nouvel acte de mariage, comprenant le tuteur et les deux témoins intègres. Ça, c'est après la période de viduité, en accord avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au sens approché, et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période, c'est-à-dire pendant la période de viduité. فَمَفْهُومُ الْآيَةِ أَنَّهَا إِذَا فَرَغَتْ عِدَّتَهَا لَمْ تُبَحْ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ بِشُرْطِهِ وَإِذَا رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ رَجْعَةً صَحِيحَةً مَسْتَوْفِيَا لِشُرُوتِهَا لَمْ يَمْلِكْ مِنَ التَّلَاقِ إِلَّا مَا بَقِيَ مِنْ عَدَدِهِ. Et on comprend du verset que si elle termine sa période de viduité, alors elle n'est plus permise. Elle n'est plus sa femme, elle ne lui est plus permise. Excepté avec un acte nouveau. Un nouvel acte de mariage avec ses conditions. Et s'il la récupère dans la période de viduité, d'un retour valide, avec les conditions qu'on a citées tout à l'heure, il possède uniquement le nombre de divorces qu'il reste. Si c'est son premier divorce, il lui en reste deux. Si c'est son deuxième divorce, il en reste plus qu'un. Si c'est le troisième divorce, c'est fini. وَإِذَا اسْتَوْفَى مَا يَمْلِكُ مِنَ الطَّلَاقِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْلُهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ. Et s'il use tout le nombre de divorces possibles, trois divorces, alors elle devient illicite pour lui. C'est fini, il ne peut plus la marier. jusqu'à qu'un autre époux ait un rapport avec elle dans le cadre d'un mariage valide. فيشترط لحلها للأول ثلاثة شروط أن تنكح زوجا غيره وأن يكون النكاح صحيحا وأن يطأها الزوج الثاني في الفرج لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. Écoutez bien, mes frères, on va terminer avec cela. Il est conditionné pour elle, ou plutôt, il est conditionné pour que l'épouse redevienne licite pour lui, c'est-à-dire après les trois divorces. Trois conditions. Écoutez bien, trois conditions. Premièrement, qu'elle marie un autre époux. Qu'elle marie un autre homme. Deuxièmement, que ce mariage soit valide. Hein, c'est pas un mariage par ruse. Hein, une femme, elle va marier un autre homme, hein, en pensant, je me marie avec lui, je le divorce et je reprends le premier. Ça, c'est pas permis. Il faut que ça soit un mariage valide, avec ces conditions que vous avez dû étudier avec notre frère Abou Bakr. Et troisième condition, que le nouveau mari ait eu avec cette femme un rapport intime avec pénétration. Il faut que le mari, le deuxième, ait consommé le mariage. Avec un rapport intime, pas des amusements, un vrai rapport. Et ceci en accord avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sens approché, s'il divorce avec elle, yani la troisième fois, alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Et si ce dernier la répudie ou la divorce, alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune, pourvu qu'ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d'Allah, comme dans Sourate Al-Baqarah, verset 230. Ainsi est le retour, raj'a, hein, lorsque l'époux récupère son épouse. Malheureusement, mes frères, hein, on arrive à la fin du temps, et il nous restait un dernier chapitre à voir, c'est le chapitre concernant Al-Iddah, la période de viduité. Et malheureusement, il est impossible, hein, en termes de temps, d'expliquer ce chapitre. On verra, Inch'Allah, avec nos frères du Merkez Al-Ghulaba, si on peut exceptionnellement faire ce dernier cours d'un futur proche, Inch'Allah Ta'ala. On va discuter avec les frères du Merkez, Inch'Allah Ta'ala, pour pouvoir terminer ce chapitre du divorce. Comme je vous l'ai dit dès le début, mes frères, ce chapitre est très vaste. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de conditions. J'ai essayé du mieux que je pouvais, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements, hein, de vous exposer les points essentiels, afin que vous compreniez les règles essentielles à la validité du divorce, également afin que vous connaissiez le divorce qui n'est pas permis, afin de ne pas tomber dedans, afin d'œuvrer et d'acter avec science, avec connaissance. Ainsi est le musulman. Il œuvre et il acte avec connaissance. Et je réitère, mes frères, un conseil que je n'ai cessé de réitérer depuis le début de ces cours. Le divorce est un sujet qui a des conséquences très graves, très néfastes dans les familles et dans la société. Ce n'est pas un jeu qu'on doit prendre à la légère. Chacun de nous, hommes et femmes, doivent craindre Allah Azza wa Jal. On doit craindre notre Seigneur. Et on ne doit pas laisser passer nos passions en priorité. Mais on doit réfléchir et acter comme Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Et on doit toujours, toujours faire attention de ne pas tomber dans des choses interdites. Et nous laisser envahir par les passions et par les ambiguïtés. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, que je vous conseille, dès le moindre doute, de retourner aux gens de science, retourner aux savants de l'islam, retourner aux savants de la sunna. Lorsque vous avez un doute concernant le divorce, lorsque vous avez un doute concernant n'importe quel sujet de votre religion, mais aussi, ou plus particulièrement, lorsque vous avez un doute dans le divorce, Wallah, ça en vaut la peine. Vous achetez un billet pour aller faire la Umrah et vous allez visiter les savants de la Sunna à Médine ou à Mecca. Et vous allez les interroger sur votre situation. Yachir, j'ai fait ça. Yachir, j'ai dit ça. Qu'est-ce que je dois faire? Ou Yachir, ma femme est comme ça. Ou mon époux est comme ça. Est-ce que je divorce? Est-ce que je demande le roule? Etc. Ne vous laissez pas envahir par vos passions et par les ambiguïtés. Ou par la mauvaise influence de personnes mauvaises. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, il est déjà 8h45 en France et c'est l'heure du cours de notre bien-aimé frère Youssouf Abdelrazak, hafidhahullah ta'ala. Donc on va s'arrêter là, mes frères. Jazakumullahu khairan pour votre attention et pour votre patience durant ces cours qui sont difficiles. Comme je l'ai dit hier, le sujet du divorce n'est pas délicieux comme le sujet du mariage ou le sujet de l'éducation des enfants ou le droit des époux ou la polygamie. Le divorce, c'est un sujet qui est dur, qui fait mal, qui peut rappeler de mauvais souvenirs pour certains d'entre vous. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements et nous demande à Allah azza wa jal de nous faciliter dans toutes nos affaires et d'accepter de notre part nos paroles et nos actes. Fa jazakumullahu khayran, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته